Chapitre 2e. Comment le prince Léo fut traité à son arrivée dans la capitale du monde civilisé. Première dépêche. Sire, dès que votre auguste fils eut dépassé l'Atlas, il fut reçu à coups de fusil par les postes français. Nous avons compris que les soldats lui rendaient ainsi les honneurs dus à son rang. Le gouvernement français s'est empressé de venir à sa rencontre. On lui a offert une voiture élégante, ornée de barreaux en fer creux qu'on lui fit admirer comme un des progrès de l'industrie moderne. Nous fûmes nourris des viandes les plus recherchées et nous n'avons eu qu'à nous louer des procédés de la France. Le prince fut embarqué, par égard pour la race animale, sur un vaisseau appelé le Castor, conduit par les soins du gouvernement français jusqu'à Paris. Nous y sommes logés aux frais de l'État dans un délicieux séjour appelé le Jardin du Roi, où le peuple vient nous voir avec un tel empressement qu'on nous a donné les plus illustres savants pour gardiens et que, pour nous préserver de toute indiscrétion, ces messieurs ont été forcés de mettre des barres de fer entre nous et la foule. Nous sommes arrivés dans d'heureuses circonstances. Il se trouve là des ambassadeurs venus de tous les points du globe. J'ai lorgné, dans un hôtel voisin, un ours blanc venu d'outre-mer pour des réclamations de son gouvernement. Ce prince Oursakov m'a dit alors que nous étions les dupes de la France. Les lions de Paris, inquiets de notre ambassade, nous avaient fait enfermer. Sire, nous étions prisonniers. « Où pourrons-nous trouver les lions de Paris ?» lui ai-je demandé. « Votre Majesté remarquera la finesse de ma conduite. En effet, la diplomatie de la nation lionne ne doit pas s'abaisser jusqu'à la fourberie, et la franchise est plus habile que la dissimulation. Cet ours, assez simple, devina sur le champ ma pensée, et me répondit sans détour que les lions de Paris vivaient dans des régions tropicales où l'asphalte formait le sol et où les vernis du Japon croissaient, arrosés par l'argent d'une fée appelée Conseil général de la Seine. Allez toujours devant vous, et quand vous trouverez sous vos pattes des marbres blancs sur lesquels se lit ce mot, c'est celle, un terrible mot, qui a bu de l'or, dévoré des fortunes, ruiné des lions, fait renvoyer bien des tigres, voyager des loups cerviers, pleurer des rats, rendre gorge à des sangsues, vendre des chevaux et des escargots. Quand ce mot flamboiera, vous serez arrivé dans le quartier Saint-Georges où se retirent ces animaux. Vous devez être satisfait, dis-je avec la politesse qui doit distinguer les ambassadeurs, de ne point trouver votre maison qui règne dans le nord, les Oursakov, ainsi travestis. Pardonnez-moi, reprit-il, les Oursakov ne sont pas plus épargnés que vous par les railleries parisiennes. J'ai pu voir, dans une imprimerie, ce qui s'appelle un ours imitant notre majestueux mouvement de va-et-vient, si convenable à des gens réfléchis comme nous le sommes vers le nord, et le prostituant à mettre du noir sur du blanc. Ces ours sont assistés de singes qui grappillent des lettres, et ils font ce qu'ici les savants nomment des livres, un produit bizarre de l'homme que j'entends aussi nommer des bouquins, sans avoir pu deviner le rapport qui peut exister entre le fils d'un bouc et un livre, si ce n'est l'odeur. Quel avantage les hommes trouvent-ils, cher prince Oursakov, à prendre nos noms sans pouvoir prendre nos qualités? Il est plus facile d'avoir de l'esprit en se disant une bête qu'en se donnant pour un homme de talent. D'ailleurs, les hommes ont toujours si bien senti notre supériorité que, de tout temps, ils se sont servis de nous pour s'anoblir. Regardez les vieux blasons, partout des animaux. Voulant, sire, connaître l'opinion des cours du Nord dans cette grande question, je lui dis « En avez-vous écrit à votre gouvernement ?» Le cabinet ours est plus fier que celui des lions. Il ne reconnaît pas l'homme. Prétendriez-vous, vieux glaçon à deux pattes et poudre et de neige, que le lion, mon maître, n'est pas le roi des animaux ? L'ours blanc prit, sans vouloir répondre, une attitude si dédaigneuse que d'un bond je brisai les barreaux de mon appartement. Son Altesse, attentive à la querelle, en avait fait autant, et j'allais venger l'honneur de votre couronne, lorsque votre auguste fils me dit très judicieusement qu'au moment d'avoir des explications à Paris, il ne fallait pas se brouiller avec les puissants du Nord. Cette scène avait eu lieu pendant la nuit, et il nous fut donc très facile d'arriver en quelques bonds sur le boulevard, où, vers le petit jour, nous fûmes accueillis par des « Hostes-têtes, sont-ils bien déguisés ? Ne dirait-on pas de véritables animaux ?